doute qu'en pleine d'entrain, elle m'exhorte à renoncer au ton grinçant qui m'a rendu si déplaisant. La course du jour m'épuise, l'astre à son zénith me tyrannise. De moments de grâce, je n'ai plus la manne, je ne suis qu'une suite d'avaries et de pannes. L'horizon est si plat et la mer aussi calme. Jamais je n'ai eu froid pour qu'un jour je m'exclame que je ne fais que rêver sans oser me l'avouer. De reliefs escarpés, j'entends au loin les appels qui faiblissent. Certains se répandent en supplications, d'autres ne me lancent que des imprécations.